On va parler avec Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, cette semaine, je demandais sur les médias sociaux, on sait que la Ligue nationale va demander très très bientôt aux fans, dans le cadre du centième anniversaire, leur meilleur souvenir. Moi, j'ai dit que c'était le but de Claude Lemieux en 86, mon meilleur souvenir. Le tien, c'est quoi? Moi, je te dirais que la grande rivalité Québec-Montréal, okay. Le Nordique et le Canadien, on a vécu des moments tout à fait exceptionnels, des matchs spectaculaires où la rivalité était très grande. Et moi, ce que je mets dans cette rivalité-là, dans ces moments-là, c'est toute la rivalité qui existait dans la population. Moi, j'avais des lignes ouvertes à ce moment-là. Ah ouais. Et je peux te dire que des soirs, là, j'avais quatre circuits, c'était plein. Les quatre circuits, pendant une heure de temps, ça n'arrêtait pas. Des soirs, on avait tellement d'appels que même un système téléphonique a brisé certains soirs, tellement qu'on a eu d'appels. Oui, monsieur. Je vais te dire que c'était le fun. Et surtout, les matchs qui avaient lieu là, le 31 décembre ou ces dates-là. Là. Ouais. C'était vraiment, tu allais dans des parties de famille et la rivalité était là et tout le monde s'assinait. Mais on avait du plaisir à écouter ça. Puis on avait énormément d'intérêt. Mais à ce moment-là, on parlait pas de salaire, on parlait pas de plafond salarial, puis on parlait du match de hockey. Aujourd'hui, c'est tellement complexe avec les masses salariales, le plafond salarial, les contrats des joueurs, les joueurs autonomes. Donc, je pense que les gens s'y perdent un peu là-dedans, mais malgré tout, il y a encore de l'intérêt. La preuve de ça, on remplit 7 et 8 pages par jour à Montréal dans les journaux pour parler du Canadien, puis on fait des heures et des heures à la télévision. Mais on dirait qu'avec le temps, les gens se désintéressent un peu. On a moins d'intérêt. On est moins impliqué. Alors qu'à ce moment-là, tout le monde était impliqué. Écoute, je me rappelle très bien, là, André Letourneau, qui était responsable du marketing chez les Renardiques de Québec, organisait des autobus. Et certains soirs, on avait 15-20 autobus du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui montaient à Québec voir jouer les Nordiques contre les équipes de la Ligue nationale. Donc, c'était les meilleurs moments que je me rappelle et que j'ai vécu. Le temps a changé aussi. Tu n'avais pas de poste de sport. Aujourd'hui, tu en as 5. Tu avais deux matchs par semaine parce que tu avais un match à TVA puis tu avais un match à la soirée du hockey. Même des matchs canadiens, tu as à la radio dans le temps. Pas tous les matchs canadiens. Là. Puis là, c'était comme un happening le samedi soir, regarder la soirée du hockey. Puis là, maintenant, c'est plus ça. Là. Il y en a tellement. T'en as deux puis trois par soir. Aujourd'hui, là, écoute, t'as des matchs après-midi à 13h, t'en as à 15h, t'en as à 17h, t'en as à 22h. Tu vas avoir à peu près 7-8 matchs dans ta journée à la télévision. Là. Tu viens que tu perds là-dedans. Et deux, quand tu manques un peu d'intérêt, là, il y a une chose également, les joueurs sont rendus un peu partout. Ouais. Alors que à Québec, moi, je me rappelle la réalité canadienne-nordique, il y avait 6-7 francophones d'un bord, 6-7 de l'autre. Ouais. On était plus impliqués parce que nos gars étaient là. Maintenant, c'est le Canadien de Montréal. T'en as presque plus. Là, on garde travailler Charles Hudon parce que c'est un gars originaire de la région. Il a joué pour les Saguenayens. On a un peu plus d'intérêt. Avant, on avait David Desharnais. Mais à part ça, on n'en a pas de ces gens-là. Et deux, moi, ce que je trouve avec les médias sociaux, c'est qu'on exagère tellement. Là, on est rendu dans la vie privée des joueurs. Ah. Okay? Ils n'ont plus le droit d'aller manger au restaurant. Ils n'ont plus le droit d'aller prendre une bière avec des amis. Ils n'ont plus le droit de faire ci. La femme n'a plus le droit de sortir. Elle est photographiée partout. Tout le monde les filme partout. Donc, ça vient que c'est plus le hockey qui est la priorité. C'est tout ce qui entoure le hockey qui fait que maintenant, on patine là-dessus et on n'arrête pas. Là. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Phil, hier, j'ai parlé avec Bertrand Raymond. Je sais pas si tu as vu l'article, l'excellent article sur RDS.ca de Bertrand Raymond. J'y ai parlé hier. Très, très, très belle entrevue. D'ailleurs, j'invite les gens à aller l'écouter. On revient sur Marc Bergevin, évidemment. Là. Et moi, j'ai été... en fait, l'article de Bertrand Raymond, ça résume un peu que Marc Bergevin, lorsqu'il est arrivé à Montréal, il avait la ville à ses pieds, parce que c'était rafraîchissant. Et là, maintenant... Mais c'est où est-ce que ça a planté, Phil? Il y a 2 ans, Marc Bergevin avait été nommé à directeur général, en nomination comme directeur général de l'année. Le monde l'adorait. C'est à partir de où est-ce que ça a planté? Ben, moi, je te dirais que quand ils sont mis à signer des contrats, exemple, signer Carey Price, 8 millions, t'avais des montants. Et là, quand tu viens avec un plafond salarial très serré, ça devient de plus en plus difficile pour le directeur gérant de combler les postes qu'il a besoin. Cette année, je vais donner un exemple, Markov voulait 6 millions, Radulov voulait 6 millions, il y avait le contrat de Carey Price qui venait d'être signé à près de 9 millions. Tu sais, là, dit, oh, mon Dieu, là, il n'y a plus de place là, pour aller signer des joueurs en extra, puis Plekanec en gagne 6 également. Là, tu te retrouves avec 7-8 joueurs qui sont vraiment, je te dirais, ils prennent presque tout le plafond au complet. Donc, ouais. Si tu restes avec des 3e, 4e trio, ben, des gars à 700-800 000 par année, à 1 million par année, tu ne peux pas avoir des joueurs de qualité à ce prix-là. Mmh. Donc, à ce moment-là, ça devient plus difficile pour le directeur général. Deux, Montréal vit un phénomène qui n'est pas évident et que certaines formations ne vivent peut-être pas. Montréal doit gagner à chaque année, faire les séries à chaque année. Je regarde ce qui s'est passé à Edmonton. On a été sept années d'un bas de classement. Ouais. Malgré qu'ils ont eu des choix de première ronde et tout, je regarde énormément de difficultés cette année. Oh, ouais. Je regarde une équipe comme Tampa Bay qui va assez bien là, mais ils tournent autour de 2 à 3 joueurs avec des contrats importants. Boston a vécu de belles années, puis là, cette année, ils vont où? À cause du plafond salarial, à cause des contrats mirobolants. Puis tu vois que tu gagnes à chaque année, tu es toujours en haut, tu repêches toujours 27, 28, 29. Tu peux pas repêcher des joueurs de qualité. Puis quand tu es confronté à gagner chaque année, ben, tu fais du patchage. Ouais. C'est exactement ce qu'a fait Marc Bergevin. Il a patché, il a bouché des trous, il est allé chercher certains vétérans pour essayer de combler. Ça n'a pas fonctionné. Puis là, ben, faut admettre que depuis le début de la saison, Carey Price ne fait pas le travail qu'on s'attendait de lui. Mm. Parce qu'il ne faut pas le cacher. L'année passée, à cette date-ci, avec Michel Therrien, le Canadien était presque en tête. Ouais. Dans sa propre division. Ouais. Ben, et il est arrivé quoi? Une période difficile. Puis là, c'est ce qui est arrivé, le congédiement de Michel Therrien. En réalité, il a payé pour une série de 10-12 défaites. Est-ce que ça a changé quelque chose que Claude Julien a remplacé Michel Therrien? Non. Ça n'a rien changé pour l'instant. Je regarde ça. Mm. Les Canadiens, s'ils veulent rebâtir, il va falloir penser pendant quelques années, vivre des années de vache. Mais est-ce que tu penses que les gens de Montréal vont accepter d'être dans les bas-fonds de la Ligue pendant quelques années? Déjà, chez les médias sociaux aujourd'hui, je regarde les ventes à rabais des billets chez les Canadiens de Montréal. Montréal, il ne fera pas mieux que les autres. Est-ce que tu vas payer 300 piastres pour une équipe qui est dans le bas de classement, puis qui ne gagne pas, puis qui pousse le puck, puis qui essaie de jouer un match de 1 à 1? Non. Il n'y aura pas. Donc, ça fait quoi, tu penses? C'est exactement ce qui arrive avec le Canadien de Montréal. Là, on critique Marc Bergevin, puis là, on parle de le congédier, puis de le remplacer par un autre. Moi, je pense que demain matin, on remplace Marc Bergevin. Là. Le gars, il ne pourra pas faire mieux. Il ne pourra pas faire mieux. Ben, moi, je pense que ce que ça va prendre, c'est carrément une reconstruction. Si ça prend ça, ça veut dire qu'il faut penser que les partisans vont être 3 puis 4 ans complètement en bas de classement. Mais ça fait 25 ans que ce club-là fait pas les séries. Ça fait 20 ans qu'on cherche un joueur de centre numéro 1. Tu sais, quelque part, maintenant, là... Mais moi, je mets en doute. Ouais. Honnêtement, moi, je pense que le travail de Marc Bergevin, je pense qu'il travaille de la meilleure façon possible. Sauf que, moi, je mets en doute un peu son système de dépistage. Beaucoup. Honnêtement, je regarde un petit peu. Mais encore là, tu sais, il y a 2 ans, quand il y avait la possibilité de repêcher Samuel Girard, puis repêcher les bons joueurs. Marc Bergevin a fait une transaction, il y avait 2 choix de 2, puis il les a enlevés à Trevor Timmons. Trevor Timmons, il a fait quoi, tu penses? Il a repêché première ronde, après ça, il a repêché en troisième, puis en quatrième ronde. Tu sais, il aurait pu repêcher Samuel Girard, puis il aurait pu repêcher un autre bon joueur. Samuel Girard est où aujourd'hui? Il est dans le top 4 au Colorado. Mais c'est pas rien que le recrutement, c'est la façon que tu développes ton joueur, la façon que tu l'utilises. Regarde, prends l'exemple de Victor Mété, là. On fait quoi avec, là? Tu sais, je veux dire, en début d'année, mais tu sais, tant qu'à pas avoir de plan, là, on l'a envoyé en début d'année avec Shea Weber, puis là, aujourd'hui, on le laisse de côté. Tantôt, on l'a même envoyé à Lille. Ouais, mais tu sais, mais encore là, ouais. Marc Bergevin est confronté à vouloir gagner puis faire les séries. C'est toujours le même problème. Mm. Toujours la même rengaine. On parle toujours de la même affaire. Vouloir faire les séries. C'est toujours ça. Et la semaine dernière, j'écoutais une entrevue, puis je pense que je t'en ai déjà parlé. Tu sais, on parlait du fameux goaler numéro 1 qui prend presque tout le budget chez le Canadien de Montréal, qui avait passé à 8 millions. Mm. À choisir entre un défenseur, un centre numéro 1 à 8 millions, un gardien à 8 millions numéro 1, je pense que je prendrais un centre. Parce que tu peux toujours trouver un gardien de but qui va être dans le milieu de peloton qui va faire le travail. Mm. À ce moment-là, alors que trouver un centre numéro 1 pour faire le travail, puis être un John Tavares ou être un Stamkos ou d'un voix comme ça, c'est extrêmement difficile à trouver. puis à donner du rendement. Ouais. Tu sais, Jonathan Drouin, en début d'année, on disait, hey, il va peut-être devenir le centre numéro un, mais il faut pas oublier que dans le cas de Drouin, il y a 23 ans, 22 ans, c'est pas évident de devenir... Tu sais, c'est pas tout des... Quand on a McDavid, là, puis alors là, McDavid, malgré que c'est un joueur tout à fait exceptionnel, ils sont où, les Oilers d'Edmonton? Il faut qu'ils soient bien entourés, également, pour réussir à performer. Ouais. Tout le monde critique actuellement, je regarde Pacioretty, on le varlope sur la place publique, on devrait l'échanger. Il marque 30-35 buts par année. Trouve-moi des joueurs dans la Ligue nationale qui marquent 35 buts tous les ans. Avec un... pas de joueur de centre numéro 1. Ben, c'est ça, je partage justement pour dire, pas de joueur de centre numéro 1. Hey, Serge Savard, y as-tu fait la belle-mère du PQ? Ça ressemble pas mal au PQ, hein? Moi, je l'ai écouté, je l'ai adoré. J'ai trouvé que, j'ai même dit sur les médias sociaux que peut-être Serge, on devrait le ramener comme espèce de conseiller dans l'organisation, une espèce de sage, oui. Oui, mais il y a une chose qu'il faut regarder. Ouais. Et je reviens toujours à la même rayonne. Ouais. Dans le temps de Serge Savard, le Canadien avait les poches pleines, comme ils sont encore les poches pleines. Ouais. De Montréal. Les contrats, il n'y a pas de plafond salarial, c'était facile. Maintenant, c'est plus le cas. Il faut un plafond salarial, il est là, il faut vivre avec ça. Et une autre chose également, je disais à quelqu'un hier qui me disait, les médias sociaux, j'ai dit, est-ce que demain matin, les joueurs autonomes sont intéressés à venir à Montréal quand tu vois comment on traite le dossier Carey Price actuellement des médias sociaux? Est-ce qu'un joueur est intéressé à venir jouer à Montréal dans ces conditions-là? Je serais curieux, je vais demander à Rod à New York avec les Yankees comment il a été traité. Puis ça n'a pas empêché d'autres joueurs, ça n'a pas empêché d'autres joueurs des Yankees de signer des joueurs autonomes. Oui, mais je vais te dire, il n'y a pas de plafond salarial à New York. Oui, c'est sûr, mais... De masse salariale, des Yankees. Tu sais, tu remplis tes poches, puis les gars, ils mettent de l'argent dans leur poche, puis c'est une équipe de vedettes, puis ils gagnent. Ouais. Quand tu gagnes, là, c'est facile, les gens ne parlent pas de ça. C'est surtout ça, c'est beaucoup plus ça que le contrat de Carey Price. Hein? C'est beaucoup plus ça que le contrat de Carey Price, l'histoire de Carey Price. Moi, je pense que s'il y aurait, si le club gagnerait, les gens viendraient à Montréal. On ne parlerait même pas de ça. Non. Là, on cherche des histoires. Puis les médias, tu sais, comme moi, les journalistes, il faut qu'ils remplissent des pages. Oui, effectivement. Donc, il faut trouver des histoires. Non, mais moi, j'ai bien aimé Serge Savard. C'est drôle, hein? Tu me parles de plafond salarial, mais le gars, il a quand même un bon discernement, le gars, là. Et puis, il est assez intelligent. Écoute, je n'enlève rien les talents de quelqu'un. Ouais. De show, mais sauf que. T'as vu l'entrevue qu'a donné Guy Lafleur? Ouais. Hein? Moi, je suis d'accord avec lui, Guy Lafleur. Ils l'ont pas poussé dehors parce que le maire, avec son style de la trappe, permettait plus à Guy Lafleur d'être le joueur qu'il était. C'est un peu ça, là. Ouais. Et je pense qu'on l'a très bien vu. D'ailleurs, si un coach en Ligue nationale qui avait une équipe plate à avoir joué, mais qui gagnait quand même, c'est Jacques Lemaire avec son style. Ouais. C'est un peu ce que. Ben, Claude Julien, là, c'est pas loin de ça, quoi, à trappe, là. Contre la formation de Nashville. Ouais. Nashville a un club de hockey qui est spectaculaire, des bons joueurs de hockey. Ils ont eu toutes les mesures du monde à battre un club qui était presque un club de la Ligue américaine. Ouais. Phil, on s'en reparle vendredi prochain. Merci. Commentaire de Phil